Pourquoi se faire tant de mal alors qu'on pourrait s'aimer? Pourquoi se faire tant de mal alors qu'on peut s'en aller? Tu as braqué mon cœur, il est en sursis. Plus que